La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, jeudi, dernier moment de notre série consacrée à l'écrivain fantastique américain Howard Phillips Lovecraft. Une semaine débutée lundi par un entretien avec François Bon qui a relativisé ce qu'il considère comme des idées reçues à l'endroit du reclus de Providence, lequel serait en réalité bien plus sociable que ce que sa légende a longtemps laissé croire. Mardi, nous étions en compagnie de Jackie Ferjot et de Cédric Monger pour parler du rapport de l'écrivain américain à la politique et dont le racisme était notoire ainsi que l'adhésion à la démocratie plutôt résignée. Il considérait surtout que l'homme n'est qu'un ridicule grain de poussière dans un univers sans Dieu où l'on ne peut que se sentir bien seul. Hier, Gilles Ménégaldo nous a proposé un focus sur la ville et les cités enfouies chez Lovecraft, ainsi que sur les adaptations de ses nouvelles au cinéma. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, deux invités pour évoquer divers sujets et entrer au genre du fantastique. Nous parlerons aussi des grands anciens, ces créatures légendaires du mythe de Cthulhu. Nous évoquerons le Necronomicon, livre imaginaire au contenu maléfique. Nous parlerons de deux autres grands anciens, pas du tout légendaires ceux-là, Edgar Poe et Jules Verne, parrains si l'on peut dire de l'œuvre de Lovecraft. Nous le ferons tout d'abord avec Christophe Thiel, co-responsable des éditions Malpertuis, également traducteur du roman Le Roi Jaune de Robert Chambers, ainsi qu'avec Florent Montaclair, professeur à l'Université de Franche-Comté, spécialiste de la littérature fantastique du 19e siècle. Bienvenue à tous les deux et bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Je ne pense pas qu'on puisse dire tout de même que Lovecraft, comme un certain nombre de gens le prétendent, soit un auteur de science-fiction. Pas du tout, parce qu'en fait, il y a des planètes qui interviennent. Certains de ces récits se situent dans des planètes lointaines, mais je dirais qu'ils ne se situent pas dans des planètes, dans des galaxies, mais je dirais plutôt dans des astres. Il y a tout un arrière-plan occultiste qui se profile derrière l'œuvre de Lovecraft et qui est à l'opposé des thèmes habituels de la science-fiction. La science-fiction est au fond une littérature sécurisante, qui nous présente des prodiges explicables, des terreurs qu'on peut dissiper puisqu'on suppose que des explications pseudo-rationnelles sur lesquelles on anticipe parviendront à dissiper tous ces prodiges. Dans le cas de Lovecraft, pas du tout. Il y a un pessimisme fondamental, tout à fait étranger à la science-fiction d'abord, c'est que le monde est en proie à des forces malsaines et magiques dont nous sommes le jouet. Ces forces ont finalement créé l'univers. Bonjour Christophe Thiel. Bonjour. Est-ce que vous diriez, comme Francis Lacassin qu'on vient d'entendre, que la science-fiction est un genre trop optimiste pour Lovecraft ? Je dirais que Lovecraft a trouvé le moyen de rendre la science-fiction pessimiste, c'est-à-dire qu'en nous donnant une connaissance qui est contenue dans des livres maudits et interdits, comme le Necronomicon, auquel vous faisiez allusion tout à l'heure, eh bien, en ayant cette connaissance, on découvre que au fin fond de l'univers se cachent des forces qui sont tout à fait matérielles, que nous appellerions des extraterrestres, mais qui, dans notre petite position de petits humains, sont d'une telle puissance qu'elles nous apparaissent également comme des dieux ou des démons, et dont le pouvoir nous semble infini. Vous dites cette connaissance, mais ce n'est pas une connaissance, c'est un livre inventé, le Necronomicon. Alors le Necronomicon est un livre inventé, bien que différentes personnes se soient mises en devoir de l'écrire a posteriori. Alors, et de le chercher aussi. Oui, un Necronomicon que vous pouvez acheter en librairie ne sera jamais aussi terrifiant que celui que vous pouvez imaginer, d'autant plus que Lovecraft, qui croyait à la suggestion, comme Mallarmé, n'a jamais pris la peine d'écrire le Necronomicon et préférait en donner de petites citations très courtes. Il a pensé à un moment l'écrire, mais finalement la tâche était trop difficile pour la raison que vous dites. Oui, jamais il aurait pu parvenir à un résultat satisfaisant. Qu'est-ce que c'est le Necronomicon alors exactement ? Le Necronomicon, c'est une œuvre qui a été écrite au 7e siècle par un poète arabe yéménite qu'on disait démon, qui avait délaissé l'islam qui connaissait ses débuts à l'époque pour adorer des entités mystérieuses qu'il appelait Yog-Sothoth et Cthulhu et qui allaient dans le désert pour leur faire des prières et qui a raconté dans ce gros livre. Quoi exactement ? Eh bien, comme je le disais, on ne sait pas très bien. Comme il était poète, on pense qu'il y a des morceaux de poésie, il y a certainement des petits dessins un peu bizarres dedans, et puis des révélations cryptiques sur différentes choses, sur la vraie nature de notre univers. Ah voilà, la vraie nature de notre univers. Moi j'ai quelques citations, figurez-vous, du Necronomicon. Je vous les lis. « Les anciens ont été, les anciens sont et les anciens seront, non dans les espaces que nous connaissons, mais entre eux. » Ça, c'est une vraie citation. Hein. C'est une vraie citation de Lovecraft. Oui, parce qu'il a quand même du coup cité quelques passages. Voilà, il a donné... la citation la plus longue qu'il donne fait à peu près une petite page. Et autrement, ce sont des phrases comme le fameux « n'est pas mort, celui qui a jamais dort et dans d'étranges éons peut mourir même la mort ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'on croit mort va peut-être revenir un jour. Les éons étant des étendues de temps incalculables et d'une immense longueur. Donc vous, en tant que fan de Lovecraft, vous êtes fan de Lovecraft, on peut le dire ? Absolument. Vous vous êtes interrogé sur le sens caché, non seulement de ce livre, vous avez voulu en tirer la substance ou pas ? Moi, je suis un fan de Lovecraft qui essaye de savourer la littérature fantastique de la même manière qu'il le faisait lui. C'est-à-dire que pour Lovecraft, il y avait trois grands types de littérature. La première, qu'il qualifiait de romantique, était basée sur les personnages et les sentiments. C'est là qu'on peut retrouver les romans sentimentaux, psychologiques, etc. La deuxième était basée sur l'action. Et c'est là qu'on peut retrouver pas mal de romans historiques, des histoires de guerre. Et celle qui lui tenait le plus à cœur était une littérature basée sur l'atmosphère. Il considérait que la littérature fantastique était par nature une partie de ce grand ensemble de littérature d'atmosphère. Et sa grande fierté était de pratiquer lui-même ce genre de littérature. Donc voilà, pour résumer en un mot... mon attitude de fan de Lovecraft consiste à savourer l'atmosphère des textes qu'il a écrits et d'être capable, lecture après lecture, de courir avec lui sur les grandes étendues glacées ou dans des couloirs de palais cyclopéens enfouis sous les glaces du pôle sud ou dans des îles inconnues du Pacifique et d'y prendre le même plaisir à chaque fois. Mais alors, science-fiction, pas science-fiction, vous dites que c'est une science-fiction dans laquelle on aurait ajouté... de l'horreur, c'est ça ? Quelle différence fondamentalement ? Moi, c'est en tout cas comme ça que j'aurais tendance à décrire les choses. Lovecraft a petit à petit introduit dans son œuvre fantastique, qu'il a commencé relativement jeune, des éléments de science-fiction. Le premier grand texte qu'on peut rattacher à la science-fiction, c'est évidemment « La couleur tombée du ciel » où de malheureux fermiers américains, plutôt pauvres, voit tomber dans la cour de leur ferme une météorite qui, au lieu de se comporter comme n'importe quelle gentille météorite qui ne fait de problème à personne, eh bien dégage un quelque chose mystérieux qui se met à vampiriser tout ce qui vit autour. Et ce quelque chose ne peut s'apercevoir que comme une couleur impossible à décrire. Ça se termine très mal. En tout cas, voilà, on est clairement aux confins de l'horreur d'un côté et de la science-fiction de l'autre, puisqu'il y a cette présence extraterrestre qui débarque d'on ne sait où, d'on ne sait quelle planète ou galaxie, apportée par des mystérieux vents cosmiques et qui tombe chez nous. On parlera tout à l'heure peut-être un peu plus profondément de cette nouvelle dont on entendra un extrait. Mais avant cela, et pour recouper ce que vous dites sur la manière dont Lovecraft arrive à tenir en haleine ses lecteurs, écoutons Emmanuel Carrère. Une lecture très marquante, c'était les récits de Lovecraft. J'étais tombé sur... je sais pas, je vais avoir 11-12 ans dans la bibliothèque de mes parents. Ce qui était assez surprenant parce que c'était pas du tout le genre de choses qu'ils lisaient ni l'un ni l'autre. Et ce récit de Lovecraft sur lequel j'étais tombé, j'ai l'impression d'être, vous savez comme on disait de Bélix dans La Pension Magique, d'être vraiment tombé dedans quand j'étais petit. Cette espèce de choses de Lovecraft, de décrire, enfin plutôt de dire de ce qu'il a à dire, que c'est indescriptible, que c'est indicible, tellement c'est effrayant. C'est un effet rhétorique qui peut paraître un peu naïf, mais qui est très puissant et très efficace dans ses livres. Et en tout cas, moi, je me souviens que, à 11, 12, 13 ans, ça m'a marqué pour la vie. En réalité, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert à la fois ce qui m'effrayait le plus et ce que j'aimais le plus, et que c'était la même chose. Bonjour Florent Montaclair. Bonjour. Alors vous allez nous parler tout à l'heure en particulier de Jules Verne et de Lovecraft. Mais vous travaillez également sur la question des mythes en général. Et en particulier, évidemment, sur ces deux grands mythes que sont chez Lovecraft, le Necronomicon dont on vient de parler, et le mythe de Cthulhu. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le prononcer. Ah, moi je le prononce à la française, Cthulhu. Est-ce que vous pouvez nous recadrer un petit peu l'importance de la vision mythique chez Lovecraft, et peut-être nous redire aussi, même si on est au quatrième jour de cette série et que déjà on a un petit peu abordé cette question du mythe de Cthulhu, de quoi il retourne? Bon, alors c'est une question effectivement assez vaste. Il ne faut pas oublier que l'œuvre de Lovecraft, elle est aussi très composite. Elle a été produite sur une vingtaine d'années, ce qui fait que beaucoup de ce que l'on pense de cette œuvre est une reconstruction d'autant plus forte que ses amis continuateurs qui ont repris ces histoires, qui ont repris les thématiques qui étaient les siennes, ses amis ont amplifié l'idée qu'il y avait une pensée globale chez Lovecraft d'un mythe central. Ah, vous pensez qu'il n'y en a pas ? Je pense qu'il y a effectivement chez Lovecraft un certain nombre de courants très profonds, très importants, qui traversent son œuvre. Et je pense en particulier que parmi ces grands courants, il y a les mêmes mythes renversé ou utilisé, en tout cas que dans la littérature générale, comme vous l'avez dit il y a un instant. Pour compléter le mythe de Cthulhu, de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, c'est cette idée que le monde tel que nous le connaissons n'est pas un monde qui est parfaitement décrit par les sciences. On n'est plus sur une optique très 19e siècle qu'on appelait en France le comtisme, c'est-à-dire la pensée d'Auguste Comte. Les sciences permettent de décrire le monde, et le monde est donc stable, et donc en progrès, et donc parfaitement élucidé, ou le sera bientôt par les sciences. Mais au contraire, que les sciences sont des révélateurs d'éléments qui étaient déjà là, et qui sont destructeurs tant de l'individu que de l'espèce humaine en général. Et ce mythe de Cthulhu, pour le faire dans le simple, c'est cette idée que ce qui est révélé au personnage, c'est que il existe des entités qui étaient avant les hommes, qui seront après les hommes, auxquelles des peuplades plus ou moins dégénérées, plus ou moins primitives, plus ou moins sorciers ou scientifiques ont accès, et que finalement le destin de l'homme, c'est d'être confronté à une fin inéluctable du fait de ces créatures. Alors il faut dire un petit peu à quoi elles ressemblent, ces créatures, parce qu'elles ne sont pas très sympathiques à voir. Alors elles sont plutôt affreuses, évidemment, puisque l'objet c'est l'horreur. C'est d'ailleurs une idée qu'il tire, Lovecraft, de ses lectures, que le texte fantastique, il a un objet, c'est de proposer une vision horrifique ou horrible in fine. C'est grosso modo des créatures qui sont hybrides. Alors on pourrait réfléchir sur quel type d'hybridation, mais je pense que le premier élément, c'est de mélanger les espèces existantes, avec une prédilection certaine pour des images qui sont plutôt des images traditionnelles diaboliques, des boucs, des poils, des cornes. Donc ça, c'est le mythe de toute éternité, non ? Plutôt judéo-chrétien, on va dire. Et d'un autre côté, plutôt des créatures qui sont aquatiques, qui sont suintantes, qui sont coulantes. Oui. Et on revient la sèche, par exemple. La sèche, c'est la tête de Cthulhu, qui est donc l'un de ses anciens, l'un de ses dieux. Tout est une question de traduction en français sur cette affaire-là, mais effectivement, c'est une sèche, parce que les premières traductions, voulant être peut-être plus précises, lui ont inventé aussi un corps de phoque, enfin l'ont un petit peu modifié. Mais pour revenir justement à la notion de science-fiction, et c'est là que les choses sont complexes chez Lovecraft, c'est que on pourrait dire qu'un monde de science-fiction, c'est un monde qui finalement est relativement stable. C'est un monde qui a des données scientifiques, qui a des objets de la science, des vaisseaux, mais qui est finalement relativement harmonieux. Alors que le monde fantastique, c'est un monde dans lequel existe quelque chose qui va se révéler. C'est l'arrivée de Dracula, par exemple, à Londres. C'est dans l'optique lovecraftienne la révélation qu'il y a justement des créatures qui étaient là avant nous et qui sont encore agissantes. Mais le fait que ces créatures sont aussi des créatures qui permettent de restructurer le monde, de le repenser, de replacer les frontières entre le vrai, le faux, le possible, l'impossible, nous place dans un monde qui, par ces créatures, retrouve une forme de normalité en quelque sorte. Et si on en veut un exemple peut-être le plus brillant, c'est le cauchemar d'Innsmouth, puisque nous avons un personnage qui est confronté à une ville qui semble totalement dégénérée, peuplée de créatures ayant pactisé avec ces créatures aquatiques. Et finalement, loin de s'apercevoir que ces créatures sont l'ennemi, l'étranger, s'aperçoit que lui-même en est une. Ce qui fait qu'on replace une sorte de cohérence dans le monde. Finalement, nous sommes tous, enfin lui en tout cas, le héros, est issu de ce mélange. C'est un peu la quatrième dimension. En quelque sorte. Je vous propose de rencontrer un peu tout ce beau monde des vieux anciens. Non pas les vieux anciens, les anciens tout simplement. Yog Sothoth, Nyarlathotep ou encore Cthulhu, comme on les découvre dans l'abomination de Dunwich. Pendant qu'il copiait la formule à laquelle il s'était arrêté, le docteur Armitage regarda les pages ouvertes par-dessus son épaule. Celle de gauche, dans le texte latin, contenait des menaces monstrueuses contre la paix et la raison du monde entier. Et il ne faut point croire que l'homme soit le plus vieux ou le dernier des maîtres de la terre, ni que la masse commune de vie et de substance soit seule à fouler le sol. Les anciens ont été, les anciens sont encore, les anciens seront toujours. Non point dans les espaces connus de nous, mais entre ces espaces, primordiaux, sans dimension, puissants et sereins. Ils sont invisibles à nos yeux. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un en Yog-Sothoth. Il sait où les anciens se sont frayés passage au temps jadis. Il sait où ils se frayeront passage dans les temps à venir. Il sait les endroits où ils ont foulé le sol, où ils foulent encore le sol, où personne ne les voit fouler le sol. Par leur odeur, les hommes peuvent parfois déceler leur présence, mais nul homme ne connaît rien de leur aspect, autrement que par les traits de ceux qu'ils ont engendrés parmi les mortels. Vous écoutez la compagnie des auteurs, n'ayez pas peur, nous vous protégeons. Christophe Thiel, c'est du Lovecraft classique qu'on vient d'entendre. Tout à fait. Je trouve que c'est très intéressant par rapport à la discussion que nous avions il y a un instant sur la science-fiction. Cette citation, « Le passé, le présent, le futur ne sont qu'un en Yog-Sothoth ». Il y a une autre nouvelle écrite par Lovecraft en collaboration avec un de ses amis qui s'appelle « À travers les portes de la clé d'argent », dans laquelle le personnage Randolph Carter, un nom qu'on retrouve souvent chez Lovecraft, qui est un peu une projection de lui-même, est amené par un ancien un peu spécial, bienveillant, dans un endroit où il peut voir l'espace-temps. Et il voit devant lui se dérouler non seulement l'immensité de l'espace, mais également le temps sous forme de la quatrième dimension attachée aux trois autres. Je parle de science-fiction parce que là, on est clairement du côté de Einstein, quelque chose qui fascinait Lovecraft par toutes les possibilités littéraires que ça pouvait présenter. S'il y a des dimensions supplémentaires, on peut passer de l'une à l'autre et revenir là où on était sans que personne vous voie. Enfin, il y croyait ou choses... c'était juste un jeu intellectuel pour lui? C'était pour lui... Alors, il y avait beaucoup de choses qu'il considérait pas seulement comme un jeu intellectuel, mais comme un instrument, un outil littéraire. Donc c'est par exemple tout ce qui est occultisme, théosophie, etc. Alors la science, par contre, pour lui, c'était une véritable histoire d'amour. Il raconte à un moment, quand il était jeune et très déprimé, qu'il avait toujours sur lui une fiole de poison. Mais ce qui l'a retenu d'avaler cette fiole et donc de mettre fin à son existence, ce n'était pas encore, comme l'a dit un jour Patti Smith, le fait d'attendre le prochain album des Rolling Stones, qui n'existait pas encore, mais c'était que à son époque, on n'avait pas encore exploré le cœur de l'Afrique, le pôle Sud, et qu'il attendait tout ça avec une grande impatience. Il se disait donc « c'est trop tôt pour mourir ». Alors, Christophe Thiel, vous avez publié un article dans la revue Mythologica dans lequel vous revenez sur la spécificité de la littérature fantastique de Lovecraft que vous présentez comme un auteur révolutionnaire. Et pourquoi ce mot-là de révolutionnaire doit-il être souligné en ce qui concerne Lovecraft? Qu'a-t-il inventé au fond? Moi, je considère effectivement qu'il a révolutionné la littérature fantastique, principalement américaine, à son époque, dans les années 20-30. C'était quelqu'un qui connaissait assez bien l'histoire de toute cette littérature, même si peut-être pas aussi bien qu'on l'a cru à un moment. Quand il a dû en parler pour un article, il a été obligé de rattraper beaucoup de lacunes de lecture. Mais ça a été le premier à dire que vraiment, c'est plus possible de continuer comme ça. On ne peut plus utiliser toujours les mêmes ficelles, le même bestiaire de monstres un petit peu poussiéreux, fatigués, les mêmes vampires, les mêmes loups-garous, les mêmes fantômes. Lovecraft avait publié pas mal de ses nouvelles dans une revue, un pulp, qui s'appelait Weird Tales, et où officiait également, à part des gens aussi notables que Robert Howard, le créateur de Conan, comme on dit toujours, il y avait un autre auteur qui s'appelait Seabury Queen. Et Seabury Queen était un auteur fleuve qui écrivait des tas de petites nouvelles complètement sans personnalité, malgré leur côté extravagant, ce qui est un peu paradoxal. Et il tirait à fond parti de tout ce stock de monstres, d'intrigues éculées, et Lovecraft en avait plus que marre. Et il disait que pour lui, le fantastique était quelque chose de digne et qui méritait de l'inventivité, qui méritait d'être renouvelé. Moi, je considère que les deux biais par lesquels il a apporté ce renouvellement ont été l'apport science-fictionnel, qu'on a déjà mentionné, et puis une manière particulière de traiter l'occultisme, comme on le voit dans sa nouvelle « L'affaire Charles Dexter Ward », où il est beaucoup question de démons. Alors le démon, en l'occurrence, c'est Yog-Sothoth, c'est-à-dire un nom, un être, dont on découvrira plus tard dans d'autres nouvelles que c'est un grand ancien. Donc ce qui est révolutionnaire, c'est que le fantastique de Lovecraft, il n'a rien du folklore habituel. Il n'a rien de folklorique, mais il n'a rien d'humain. Lovecraft est un des créateurs de l'horreur cosmique, et il avait une grande admiration pour tous les auteurs qu'il considérait comme cosmiques, et il avait, même chez ceux qu'il admirait, un léger mépris pour les auteurs qu'il considérait comme non cosmiques. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pour lui, l'horreur cosmique, c'est une chose qui est totalement détachée de toute référence au sentiment humain, au bien, au mal. Si vous êtes un tueur en série, ou si vous créez un camp de concentration pour éliminer tout un groupe humain pour des raisons idéologiques, vous faites de l'horreur humaine. Mais si ce massacre à grande échelle est fait pour offrir un immense sacrifice aux grands anciens et favoriser leur retour, vous êtes dans l'horreur cosmique. Florent Montaclair, spécialiste des mythes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait à l'instant Christophe Thiel? Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a une originalité extrême de l'œuvre de Lovecraft. Alors je la placerai, moi, plus sur un terrain qui est un terrain plus stable pour moi, qui suis grammairien, c'est la construction de la phrase et l'utilisation de façons d'écrire qui sont des façons d'écrire relativement novatrices pour l'époque de Jules Verne, de Lovecraft, qui se rapproche de Jules Verne. Et ces modes d'écriture qui vont se manifester par des structures grammaticales, mais aussi par tout un ensemble de comparaisons, par tout un ensemble de métaphores, par tout un ensemble de juxtapositions de noms et d'adjectifs qui vont donner une tournure, je dirais, scientifisante, technique à son écriture. On n'est pas sur de l'écriture qui crée simplement le sentiment. On n'est pas sur une écriture qui crée une simple impression. On est sur une écriture qui, implacablement, par la construction technique de la langue et par l'utilisation de mots techniques, fabrique une image ou une représentation des événements qui vont se produire. Si je peux juste dire encore un mot sur cette question-là et reprendre une question antérieure, le principe de la littérature fantastique, c'est très souvent de ne pas décrire ce qui est dit. Si vous voulez décrire un objet que vous lui en donnez les caractéristiques précises, l'action de l'imaginaire est très limitée. Ça devient même une ficelle. Voilà. Si je vous dis « ma voiture est rouge », de quelle couleur est ma voiture? Vous allez dire « elle est rouge ». Si au contraire je vous dis « ma voiture n'est ni rouge ni verte », de quelle couleur est-elle? Mais elle est indescriptible. Eh bien, là, vous commencez à travailler. Et pour reprendre la description des monstres de Lovecraft dont on parlait tout à l'heure, une des forces de ces descriptions, c'est de donner des parties anatomiques relativement vagues, mais qui sont associées à des sentiments plus ou moins écœurants ou plus ou moins déplaisants pour nous, le visqueux, l'humide, le lisse, mais de n'entrer pas dans des détails plus important. Et c'est cette technicité, cette scientificité qui, je crois, est sa grande marque de fabrique. Alors, vous voulez dire un mot, oui. Je voudrais ajouter un tout petit élément sur l'écriture. Lovecraft a théorisé sa manière d'écrire. Je ne sais pas si beaucoup d'autres l'avaient fait avant lui, mais il explique que pour lui, écrire une bonne histoire fantastique, c'est d'abord écrire un synopsis qui raconte les événements dans l'ordre où ils se sont déroulés, et ensuite de changer cet ordre de manière à obtenir l'efficacité, l'effet le plus grand possible sur le lecteur, ce qui peut amener à donner la révélation finale eh bien, à la fin, alors que c'est quelque chose qui s'est produit quelque temps avant la fin. Alors, vous venez de le dire, Christophe Thiel, Lovecraft réinvente le fantastique, mais il ne fait pas de tout table rase, et notamment, il y a un grand ancien qu'il aime beaucoup et qui l'a beaucoup inspiré, c'est évidemment Edgar Poe. Dans le cas d'Edgar Poe, on a l'impression que Edgar Poe cherche plutôt à opérer une sorte de catharsis et à résoudre ses propres problèmes à travers son œuvre fantastique. C'est ainsi qu'on décèle dans l'œuvre d'Edgar Poe une fascination de la mort, une espèce de délectation qui imprègne tous ses récits, toutes ses œuvres, et qui, semble-t-il, apporte une espèce de satisfaction à l'écrivain. Et en fait, la mort intervenant arrive à apaiser l'espèce d'effroi qu'il a suscité dans ses récits. Donc, le lecteur est pris à un piège agréable, et au bout du récit, eh bien, tout est terminé. La mort tire un rideau, c'est fini, l'inquiétude disparaît et est apaisée. Dans le cas de Lovecraft, c'est très différent. On a l'impression que la mort ne résout rien. Absolument pas, que ce n'est qu'une transition. Et en effet, Lovecraft fait appel à une sorte d'au-delà, une espèce d'ailleurs, qui n'est pas du tout l'au-delà chrétien, pas du tout l'au-delà des religions traditionnelles, mais un au-delà assez magique, qui se situe quelque part dans le cosmos. En fait, le grand acteur de l'œuvre de Lovecraft, ce n'est pas la mort, au contraire d'Edgar Poe, c'est le cosmos. Ce sont des forces mystérieuses qui président à la création du monde, qui interviennent dans son œuvre, et les personnages humains ou semi-humains ne sont que des masques, finalement, des points de communication avec ces forces mystérieuses. Vous voyez que c'est une dimension tout à fait différente de celle d'Edgar Poe, dont l'œuvre se réduit à des conflits personnels ou très localisés, alors qu'immédiatement, Lovecraft élargit le débat, l'étend jusqu'à l'univers tout entier, et est beaucoup plus menaçant, beaucoup plus inquiétant, parce qu'en fait, ce ne sont plus des petits conflits auxquels nous assistons comme spectateurs, l'univers c'est nous. Nous en faisons partie, nous sommes menacés. Vous écoutez La Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on vient de l'entendre dans la voix de Francis Lacassin. Il y a des points communs, mais il y a aussi des différences entre Lovecraft et Edgar Poe. Est-ce qu'on pourrait dire, Christophe Thiel, qu'il y a deux périodes chez Lovecraft, une période très inspirée par Poe, ce seraient les premières nouvelles, et puis après, un moment où il s'en éloigne? Edgar Poe, c'est un peu le maître d'école de Lovecraft. Lovecraft a commencé dans la vie ou dans sa vie littéraire par se régaler de mythologie grecque et de mille et une nuits, ce qui peut expliquer en partie sa notion de mythologie. Et puis, un jour, il raconte, alors il le raconte a posteriori, hein, mais il raconte « Alors, je rencontrais Edgar Allan Poe ». Le nom de Poe, parenthèse, est écrit en majuscule et suivi de deux points d'exclamation. Ce fut ma perdition. Et à l'âge de 8 ans, je vis le bleu firmament d'Argos et de la Sicile, obscurci par les miasmales exhalaisons du tombeau. Donc voilà, c'est un changement de perspective complet pour Lovecraft. Il découvre l'horreur, il découvre la poésie de l'horreur. Alors plus tard, il découvrira un autre grand auteur qui l'a beaucoup influencé, qui est Lord Dunsany. Et on peut dire un mot de qui il est, parce que c'est important quand même. Lord Dunsany. Lord Dunsany était un véritable lord irlandais, qui était un ancien militaire, qui s'était battu pendant la guerre des Bourses, qui était un champion d'échecs et de golf, si je me souviens bien, et qui a une vie très longue, et qui écrivait une sorte de proto-fantasy, extrêmement poétique, très inspiré dans son style de la Bible anglaise du roi James, et avec une... une approche cosmique qui a complètement séduit Lovecraft, qui l'a fasciné, en plus de ce beau langage utilisé et de cette inventivité dans les noms de dieux, de lieux, de personnes. Et l'ingrédient que j'ajouterais, c'est un sens de l'ironie et une pointe d'humour qui est bien british et qui ne gâche pas, contrairement à ce qu'on pourrait craindre, et qui ne gâche pas du tout le fantastique de Dan Sweeney. Donc avec ça, il y a un retournement. Vous parlez de l'influence de la mythologie grecque. On peut se demander dans quelle mesure ces histoires mythologiques sont aussi du fantastique avant l'heure. J'aimerais bien vous entendre et puis je poserai ensuite la même question à Florent Montaclair. Je dirais que selon les définitions classiques, la mythologie grecque, pour ces auditeurs usuels qui étaient les Grecs anciens, ne relève pas du fantastique, puisque il n'y a rien d'incroyable dedans. C'est du quotidien, c'est-à-dire il y a de l'orage, c'est normal, c'est Zeus qui est en colère et qui nous bombarde de ses éclairs. Le fantastique commence le jour où on se plaque la main sur la bouche, où on ferme les yeux, où on pousse un cri d'horreur et où on dit « je ne peux pas croire ce que je vois ». Florent Montaclair. Alors oui, effectivement, ce qu'on appelle un mythe traditionnellement, c'est une histoire qui a des personnages, a des événements qui arrivent à ces personnages, mais le mythe, il a une explication, il a une relation directe explicatrice du réel. C'est-à-dire que le mythe, il permet de comprendre pourquoi nous avons le feu, pourquoi nous avons la connaissance, c'est parce qu'un jour, un titan désobéissant a... Bon, etc. Et donc le mythe, pour parler de mythe, il faut parler d'une histoire des origines, laquelle histoire a une dimension explicatrice du réel. Et voilà pourquoi finalement ce qu'on appelle le mythe de Cthulhu, c'est un vrai usage du mot mythe. Parce que dans l'œuvre de Lovecraft, ce à quoi le personnage est confronté, c'est à cette idée que, indépendamment de l'aventure ponctuelle qui lui est arrivée, il se trouve pris dans un réseau nouveau de connaissances liées à des créatures anciennes, antédiluviennes, mais qui permettent d'expliquer véritablement son quotidien. Et ces créatures rendent le monde dangereux, mais lui redonne finalement une forme de stabilité dans la mesure où au moins maintenant on sait, on comprend, on explique tout un ensemble de phénomènes, les cités perdues, les adorateurs de cultes mystérieux, etc. Donc le mythe, Lovecraft était un grand amateur de mythes grecs et latins, il a aussi beaucoup aimé les mythes celtiques à travers l'œuvre de Dunsany. Je crois qu'il y a une lettre qui raconte un de ses correspondants, une conférence auquel il a assisté, d'une conférence de Dunsany où il est sorti absolument bouleversé. En français, le livre de poche, une collection de poche, a sorti La fille du roi des elfes, je crois, qui est encore disponible de Dunsany. Alors, on trouve du Dunsany chez Terre de Brume, je ne sais pas si c'est encore disponible. Voilà. Donc, cette dimension mythologique, Lovecraft en a fait un vrai usage, c'est-à-dire que ces histoires sont explicatrices du réel de ces personnages. On va continuer de parler mythe, mythologie, et on ajoutera dans le mix Jules Verne, qui va bientôt arriver, juste après une chronique en compagnie des revues, un petit peu spéciale, vous allez l'entendre. En compagnie des revues, un petit peu spéciale donc, car elle reste aujourd'hui dans notre thématique, et c'est avec vous Jean-Baptiste Parra, directeur de la revue Europe. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Dans notre thématique Lovecraft, puisque c'était le sujet de votre avant-dernière une de la revue Europe. Eh bien oui, une fois n'est pas coutume dans cette chronique, je remonterai un peu en arrière dans le temps. Donc pour évoquer non pas le dernier numéro paru de la revue, qui est consacré, lui, à Jean-Christophe Bailly. Et qu'il faut acheter aussi. Mais l'antépénultième, pour être en phase avec votre émission de cette semaine. Ce numéro s'ouvre en effet sur un dossier consacré à Lovecraft, un écrivain, vous l'avez dit, dont l'œuvre occupe une place originale à mi-chemin entre le fantastique, le merveilleux onirique et la science-fiction. Un écrivain qui allie mythologie et science, archaïsme et modernité, tout en se débarrassant des attributs traditionnels du récit de terreur tels que les fantômes ou les vampires. On se souvient que dans l'une de ses innombrables lettres, car il fut aussi un épistolier extraordinairement fécond, Lovecraft écrivait « J'aspire à un monde de mystère magnifique et gigantesque, de splendeur et de terreur, dans lequel ne règne aucune autre limitation que celle d'une imagination sans contrainte. Sans pouvoir ici passer en revue la dizaine de contributions du dossier Lovecraft, je remarquerai que la majeure partie d'entre elles explore et interroge l'œuvre même, tandis que d'autres s'attachent d'une part à sa réception et d'autre part à quelques-unes de ses adaptations dans la bande dessinée ou au cinéma. On revient nécessairement dans un tel numéro sur la notion de fantastique, et Denis Moreau, par exemple, s'attarde sur l'apport de Lovecraft en ce domaine, lui dont l'écriture vise à donner corps à l'impensable. Je voudrais signaler aussi le texte de Laurie Guillot, qui s'attache à décoder la production lovecraftienne pour tenter de la relier aux obsessions de l'imaginaire américain, ce qui implique d'aller d'abord aux origines mêmes de la littérature de ce pays. Les grands créateurs de l'imaginaire américain n'ont cessé de célébrer les paradoxes d'un nouveau monde qui recelait bien des terreurs du passé, écrit Laurie Guillot. La wilderness, reliée aux bêtes de la nuit, aux déserts bibliques, aux forêts primitives, est ce mot piège qui résume l'Amérique dans la complexité de son espace-temps et qui renvoie au tabou ultime l'ensauvagement du corps et de l'âme. Menace de contagion, d'indianisation, de plongée régressive dans les abîmes des sylves obscures. L'espace américain a enfanté une littérature clandestine de l'autre visage des choses et de l'âme, celui qui est caché, sous-jacent, mystérieux, terrifiant. La vraie culture américaine, conclut Laurie Guillot, s'est toujours élaborée dans l'ombre ou dans le secret face à l'éblouissante clarté du rêve états-unien. Mais alors Lovecraft, Jean-Baptiste, n'est pas le seul écrivain en couverture de ce numéro d'Europe. Vous avez voulu le rapprocher d'un autre? Alors, en effet, il y a un deuxième dossier dans ce numéro consacré à un écrivain fort différent, Tolkien. Et si Tolkien et Lovecraft se retrouvent ainsi ensemble à l'affiche, ce n'est pas pour établir d'improbables comparaisons entre eux, mais parce qu'il s'agit de deux écrivains majeurs se situant aux deux extrémités des territoires de l'imaginaire, comme le souligne dans son introduction générale Roger Bozzetto. Et ces deux créateurs de mondes se trouvent également à l'origine de phénomènes touchant à l'imaginaire sociétal. Piloté par Vincent Ferré, le cahier Tolkien s'intéresse par exemple, sous la plume d'Isabelle Pantin, à la complexe relation de l'écrivain au temps et au véritable travail de Pénélope que fut la genèse de son œuvre littéraire. On y trouve aussi un article très stimulant de Damien Bador sur les trajectoires croisées de Tolkien et de Georges Dumézil à partir de leurs intérêts communs pour la linguistique et les mythologies comparées. D'autres approches interrogent la question de la fantasy, montrent les enjeux non négligeables de la récente retraduction de Tolkien en français ou proposent des réflexions sur le devenir du Hobbit et du Seigneur des Anneaux au cinéma. Au total, selon la spécialiste américaine Verlyn Flieger, il apparaît que si nous considérons Tolkien comme un forgeur de mythes davantage que comme un écrivain de fantasy, nous comprenons mieux la nature réelle de son travail. Christophe Thiel, vous voyez des liens, vous, entre Tolkien et Lovecraft ? Pas tant que ça. À ma connaissance, Lovecraft n'a pas eu connaissance du travail de Tolkien. L'approche de la fantasy qu'on trouve chez Lovecraft est assez différente de celle de Tolkien. Il ne tient pas particulièrement, me semble-t-il, à créer cette espèce d'univers peuplé de multiples races, etc. Il taille plutôt... Enfin, les hobbits, quand même, ne sont pas tout à fait des humains, par exemple. Oui, oui. Mais des gros pieds comme ça, poilus. Ils sont quand même très humanoïdes. Et en particulier au niveau de ce qu'ils ont dans la tête. Bon, par exemple, cette obsession pour la bouffe, bon, ouais. C'est quand même très humain. Mais Lovecraft tient davantage à... Enfin, quand il fait de la fantasy, quand il fait ce qu'on a appelé son cycle dunsanien, il tient davantage à raconter une espèce d'état antique, un âge très reculé de l'humanité qu'il a totalement inventé, dans lequel il y avait des villes, des pays, des personnages, donc la fameuse petite ville d'Ultar où règnent les chats, etc. Et une approche qui est très très différente de Tolkien à mon avis. Voilà, et pour ceux qui veulent en savoir plus sur Lovecraft et aussi sur Tolkien, je renvoie évidemment à la revue Europe. Merci Jean-Baptiste Parra. C'est France Culture que vous écoutez, la compagnie des auteurs en particulier, jusqu'à 16h. Dernier moment lovecraftien à présent. Nous sommes toujours avec Christophe Thill et Florent Montaclair. Et nous allons bientôt parler ensemble de Lovecraft et Jules Verne. Mais avant cela, chose promise, chose due, une nouvelle plongée dans la prose lovecraftienne avec cet extrait de sa célèbre nouvelle, La couleur tombée du ciel. Vous avez dit que vous étiez arpenteur, c'est ça ? En quelque sorte. Je viens faire des relevés pour la construction d'un nouveau réservoir à l'ouest d'Arkham. Un nouveau réservoir ? Vous voulez dire que vous allez noyer les vallées ? C'est ce qui va arriver. Tant mieux. Surtout si vous recouvrez la lande foudroyée. Je ne sais pas si ce terrain est inclus. Il vaudrait mieux qu'il le soit, car le lieu est maudit. Encore une de vos légendes d'Arkham. Ce n'est pas une légende, jeune homme. C'est une histoire vraie, que peu de monde ose encore raconter. Si vous ne me croyez pas, demandez au vieil Amy Pierce. Il a bien connu les jours étranges. Et pour cause, ça s'est passé pas loin de sa ferme. Bien sûr, Amy n'a plus toute sa tête depuis bien des années, mais c'est le seul qui soit resté là. Le seul qui ose parler des jours étranges. Les jours étranges. La lande foudroyée. C'est un peu mélodramatique, non ? Les gens de Boston. Vous croyez tout savoir, alors que vous ne savez rien. Quand vous verrez la lande foudroyée, vous comprendrez pourquoi les voyageurs s'en écartent et préfèrent faire un détour. Pourquoi la route qui passe devant a été abandonnée depuis 30 ans. Moi, je vous dis, pensez bien à la recouvrir d'eau et qu'on n'en parle plus. La couleur tombée du ciel dans un drôle de drame de 2014 diffusé sur France Culture. C'est une nouvelle que vous aimez, Florent Montaclair ? C'est avec le cauchemar d'Innsmouth, une des nouvelles, je crois, les plus fortes et les plus intéressantes, effectivement, de Lovecraft. Alors, je ne vous ai pas demandé comment vous aviez découvert, vous, Lovecraft, et comment vous vous étiez intéressé, vous qui êtes spécialiste du 19e, à Lovecraft. Alors, c'est plutôt que j'étais à l'origine spécialiste de la fin du 19e et que j'ai découvert Lovecraft, en fait, en m'intéressant d'abord à Edgar Poe et à ses auteurs qui ont été influencés par Edgar Poe. Et très vite, parmi la liste des auteurs qui émergent comme étant les grands lecteurs d'Edgar Poe, en France, on a Jules Verne, qui a consacré en 1864 un très long article à Edgar Poe, en essayant de voir quelle était la façon de faire de la littérature par Edgar Poe, et ce que ça résonnait, ce que ça faisait résonner dans la littérature française, et bien sûr dans la littérature future de Jules Verne. Et j'ai trouvé Lovecraft. Alors j'ai regardé tout d'abord de manière un peu circonspecte cette manière de d'hériter de l'œuvre d'Edgar Poe, sachant que la différence avec la manière vernienne de tirer un héritage semble en apparence assez éloigné. C'est-à-dire ? Ben, si on prend le produit fini, on a d'un côté une littérature qui est une littérature de feuilleton, qui est une littérature qui connaît un succès immense et qui s'adresse à un public relativement vaste et large, ça c'est Jules Verne. Et puis d'un autre côté, on a une littérature qui, voulant produire un effet qui est un effet horrifique, se ciblera sur une petite partie du lectorat qui propose des textes courts, plutôt courts, car quelques nouvelles font une quarantaine de pages, mais on dépasse rarement ce format, et puis qui, pour le public des États-Unis globalement, n'a pas de succès du vivant de l'auteur. Oui, donc ils semblent tous les deux, effectivement, ils sont à l'opposé du spectre. Comme on pourrait dire Tolkien et Lovecraft, mais je pense qu'il faut essayer au maximum d'élargir la critique lovecraftienne dans des horizons qui sont des horizons qui, même s'ils ne seront pas explicatifs de la totalité de l'œuvre, permettront tout de même des éclairages ponctuels, sans revenir sur des éléments qui sont bien connus, mais on a, chez les lecteurs français de Lovecraft, on a finalement une habitude qui est d'analyser son œuvre selon deux grands schémas, deux grands axes. Le premier, c'est de dire que c'est un auteur de littérature fantastique, donc il doit s'analyser dans son apport par rapport à la littérature fantastique. Nous avions par exemple il y a 30 ans déjà, Francis Lacassin qui avait commencé un de ses articles en disant, bon, Lovecraft, alors qu'est-ce que c'est comme type de fantastique? Est-ce que c'est du fantastique inspiré, comme Borges, comme Kafka, ou instinctif, comme Villiers de l'Isle-Adam ou Théophile Gautier? On le place toujours dans ce cadre restreint, parce que dans notre pensée française, la littérature fantastique, depuis 1827 et l'apparition de cette notion de genre fantastique, c'est un domaine clos. Oui, mais il y a quand même une légitimité à comparer. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que Poe est légitimement analysable, Lovecraft est légitimement analysable au regard de Poe, et on sait par les lectures de Lovecraft, ces lectures, et donc ce qui a pu influencer ponctuellement ou durablement ses œuvres. Donc certes, il y a cette dimension qui serait ce qui s'assemble, se ressemble et s'analyse l'un par rapport à l'autre. Puis un deuxième grand axe de l'étude lovecraftienne, qui est plutôt un axe que je dirais psychologique, voire à la rigueur morale, qui est de dire il vivait isolé, c'était finalement un sale bonhomme, qui avait des fantasmes personnels, un inconscient bien chargé, et ça donne des œuvres extraordinaires, proliférantes, mais regardons la relation entre cet inconscient surchargé et l'œuvre. Alors moi je pense qu'il faut délocaliser un petit peu le problème. Alors Tolkien, Lovecraft, effectivement... Quand vous dites délocaliser, ça veut dire le mettre dans la littérature générale, c'est ça? Alors, il faut essayer de trouver des angles de comparaison différents, ou des auteurs de comparaison, ou des mouvements auxquels aurait pu appartenir Lovecraft comparé à d'autres mouvements contemporains, pour essayer non pas peut-être d'avoir des éclairages sur la totalité de l'œuvre, mais éclairer des points ponctuels. Alors justement, comparons-le à Jules Verne, qu'il dit Lovecraft avoir lu dès l'âge de 12 ans, quand il a commencé à s'intéresser à la géographie. Ensuite, Jules Verne l'a accompagné tout au long de sa vie. Oui, c'est une des grandes lectures. Ce n'est pas peut-être celle que l'on pourrait considérer comme la plus fondatrice au point de vue de l'œuvre lovecraftienne. Ce n'est pas la lecture, sans doute, qui a eu le plus d'influence sur sa prose, ni sur sa façon de concevoir la littérature. Mais c'est une lecture qui l'a effectivement intéressé tout au long de sa vie. Ce qu'on peut dire sur leur relation, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ils ont une source commune. C'est la science aussi. C'est la science. Alors, c'est la science. Et d'ailleurs, les deux ne sont pas tout à fait éloignés. Tous les deux se sont intéressés en particulier aux études de Poe sur Hawthorne, et sur ce que dit Edgar Poe sur la construction de l'œuvre. On commence par déterminer une fin avec un effet à produire et puis on organise le reste du texte pour arriver inéluctablement à cette fin, pour que le lecteur soit porté mécaniquement. Alors comment le porter mécaniquement? Eh bien justement par un vocabulaire, par une construction de phrase, par une organisation d'épisodes qui est totalement directif en direction de cette fin horrifique ou horrible. Jules Verne, lui, a très bien réussi à adapter cette structure-là et cette façon de faire dans le roman feuilleton, et Lovecraft a parfaitement réussi à comprendre cette organisation-là dans ses nouvelles. Christophe Thiel, vous les voyez aussi, vous, les liens avec Jules Verne à travers ce biais-là qui est celui de la science? Donc on sait, vous le disiez tout à l'heure, que c'était Lovecraft, quelqu'un qui écrivait dans le journal de Providence sur l'astronomie, par exemple, c'est quelqu'un qui s'y connaissait en chimie. C'est quelqu'un effectivement qui était passionné par les sciences depuis sa plus tendre enfance, qui avait un labo de chimie dans le garage de la maison de ses parents et qui faisait des observations astronomiques qui plus tard pouvaient également lui servir, puisque il précise un jour que il décrit dans une nouvelle que la lune était pleine et qu'il avait vérifié les éphémérides pour dire que c'était bien un jour où la lune était pleine. Ce que je ressens, n'étant pas du tout spécialiste ni même un grand lecteur de Jules Verne, ce que je peux ressentir comme parenté, c'est ce sens de l'aventure qui consiste à aller très loin, loin de la civilisation. Alors évidemment, c'est très différent, puisque dans l'aventure classique, on va loin de la civilisation pour trouver des endroits à conquérir, des peuples à servir et des trésors à ramener. Chez Lovecraft, on va très loin soit par hasard, soit pour découvrir une vérité, et on n'en revient pas toujours, parce que la vérité qu'on découvre, ce n'est pas un trésor, c'est plutôt des monstres. Alors Florent Montaclair, il y a un mot que vous avez employé pour caractériser la prose de Lovecraft, c'est le mot de réaliste. Et c'est évidemment un mot qui choque un petit peu, qui est revenu plusieurs fois dans cette série, mais à chaque fois avec un étonnement de caractériser Lovecraft fantastique comme étant un écrivain réaliste. Et pourtant, vous avez été trouvé des preuves, j'ai envie de dire, de ce réalisme en le comparant avec d'autres écrivains américains qualifiés, et là, sans aucun contexte de réaliste. Oui, alors tout à fait. Comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt de délocaliser un petit peu hors de la littérature fantastique proprement dit, ça permet de s'interroger sur les relations que peut entretenir au point de vue du style, mais aussi au point de vue des mentalités, au point de vue de la représentation de la littérature, un écrivain avec les autres écrivains de son contexte. Et loin de faire de Lovecraft une sorte d'isolé ou de météore qui traverse le ciel de la littérature américaine, moi j'en fais davantage un écrivain parfaitement en phase avec les grandes préoccupations stylistiques ou les grandes préoccupations thématiques de son époque. Et il faut se rappeler que son époque est marquée par une grande innovation littéraire, par une façon de faire de la littérature tout à fait novatrice. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la génération perdue. Hein, ouais. C'est Gertrude Stein qui appellera ses auteurs de cette façon-là, dans une lettre à Hemingway. Et ses auteurs, c'est Fitzgerald, c'est Dos Passos, c'est Hemingway. Et ces auteurs, ils proposent une vision du monde, tout d'abord, qui est une vision du monde déclinante, où le second mythe américain, ce mythe de la ville, ce mythe du capitalisme, ce mythe de la réussite par l'industrie, est en train de s'effondrer. Ce que l'on trouve dans les visions de la ville lovecraftienne, qui sont toujours avec des poches, des ghettos, des endroits obscurs, où le mal se tapit. Mais bien au-delà, on s'aperçoit que les procédés littéraires et stylistiques de ces auteurs sont des procédés qui sont utilisés par Lovecraft. Alors si on voulait faire une comparaison plus précise, je suis effectivement allé chercher dans un des ouvrages majeurs de cette génération perdue, qui est Manhattan Transfer de Dos Passos. Et on s'aperçoit que la plume de Dos Passos a des particularités stylistiques assez lovecraftiennes, pour le coup. Par exemple, il y a cette idée que on va décrire en focalisation interne ou en focalisation zéro les personnages, c'est-à-dire qu'on va nous présenter le monde par les yeux du personnage, et que va-t-on voir? Eh bien, on va voir systématiquement ce qu'on pourra appeler des insectisations de l'homme. L'homme est comparé à des insectes, des animalisations, ou des réifications, des choses à la place des hommes. On va voir des vers qui grouillent, et on s'apercevoir que c'est un bébé. On va voir des blattes qui circule, et en fait, c'est un tramway. Mais est-ce que c'est pas le contraire, du coup? Est-ce que c'est pas plutôt Dos Passos qui fait un peu du fantastique dans sa description de la foule, dans sa description de New York? Alors, c'est une présentation de la réalité américaine qui passe par une construction grammaticale et stylistique qui s'appuie justement sur des comparaisons et des métaphores. Je vous donne un autre exemple. On voit des frelons et c'est en fait des hommes. Mais ça aboutit dans un deuxième temps à tout un ensemble de comparaisons qui montrent la porosité entre les catégories. On va par exemple chez Dos Passos voir des cris qui montent en volute, voir des bruits mous et chauds. On va sentir des chaleurs grises. On va voir des rectangles irrégulier de bruit. Et chez Lovecraft, qu'est-ce qu'on trouve exactement à la même époque? On va trouver des sommeils douteux, des choses élastiques, des espaces tourbillonnants. On va trouver ces monstres qui sont extrêmement hybrides eux aussi. Et leur résultat, c'est l'écœurement. C'est le sentiment de malaise. Dans les deux cas. Christophe Thiel, vous voyez en deux mots les choses un petit peu de cette manière-là aussi. Ce qui est amusant, c'est que Lovecraft n'était pas un grand fan de la littérature américaine de son époque, et que pour lui, la grande référence, c'était la poésie anglaise du XVIIIe siècle. Ce qui montre bien que tout ce que vous venez de décrire, il l'a inventé, ses procédés littéraires, il les a inventés par lui-même. Donc c'est lui le précurseur, alors? Je dirais pas qu'il est précurseur, ça peut être un parallélisme, hein. Je connais pas assez bien le sujet pour en dire davantage. Mais, il n'a pas été piqué chez ses auteurs contemporains des idées qu'il aurait ensuite appliquées à l'écriture fantastique. Merci beaucoup à vous, Florent Montaclair et Christophe Thiel. Tout de suite sur France Culture, la poésie. Holy, holy, holy. Car vous le savez, chaque jour, à la fin de cette émission, nous prenons un moment pour écouter Jacques Bonafé interpréter des poésies qu'il a choisies. Aujourd'hui, dernier épisode dans ses choix de poèmes arabes. Bonjour. Cette semaine, nous nous promenons dans le jardin de la poésie arabe. Aujourd'hui, le divan de l'amour. L'amour, je le vois bien, est ardente brûlure, et des cœurs des amants il fait sa nourriture. Si seulement brûlé, il mourrait pour de bon. Hélas, sitôt brûlé, les voici qui renaissent, tels les damnés, leurs peaux réduites en charbon, pour de nouveaux tourments, retrouvent leur jeunesse. La langue arabe est une langue du surgissement, de la déflagration. Langue d'étincelles et de visions, une extension humaine de la magie de la nature et de ses secrets. Dans chaque grand poème arabe habite un second poème qui n'est autre que celui de la langue. Ici, les vers de Majnoun, l'amour poème. Il n'est si long exil qui me sépare d'elle, Laïla me reste au cœur et ma voix renouvelle cette plainte qui passe aux fentes du roseau. Tu l'aimes, me dit-on, mais elle est ton bourreau. Vive donc le bourreau, je l'aime, il est si beau. Avec les mots, le poème peint l'espace labyrinthe, désert, ces choses monotones d'une monotonie superbe selon l'expression d'Albert Camus. Lorsqu'elle aperçut mes maigres chamelles, se traînant le ventre creux portant haillons et guenilles, elle dit « Accepterais-tu de l'argent ? La misère est le pire des états. » Je dis « Cesse de nous faire ombrage, nous sommes des gens patients. » En temps d'infertilité, nous ne sommes vaincus ni par la légèreté ni par la déraison. Si une catastrophe nous arrache les feuilles, nous embrassons le bois jusqu'à ce que les racines repoussent. Le monde devient pour le poète une image de sa bien-aimée et toute chose est à l'image de son amour. Tu m'as parlé d'elle, ô Saïd, et ainsi tu as augmenté ma folie. Ne t'arrête point, ô Saïd. Et ainsi tu augmenteras ton conseil. J'éprouve pour elle tous les affres du désir ardent, et mon cœur n'en connaît point d'autre, un désir ardent qui n'a pas d'avant ni d'après. La poésie pré-islamique part du corps. Le plaisir du corps offre une joie de possession et de perfection qui permet au poète de goûter au paradis terrestre. Pour lui, la femme est oasis, eau, beauté entière, symbole de fertilité, de sécurité, de ce qui crée et ressuscite, de ce qui demeure eau et sublime. Extrait de Majnoun, l'amour poème, chez Simbad, acte sud. Que la nuit recommence ou que la nuit s'achève, je rêve d'une vierge brillante, d'un pur éclat, bien droite, épanouie, aux membres pleins de sève, flanc mince, gorge ferme et mesurant son pas à celui des chevaux sur une terre épaisse. Son cou est un vrai coup de gazelle au désert, son œil rappelle l'œil immense des buffles. N'en déplaise aux prudes qui ont toujours d'excellents arguments à faire valoir en lieu et place de leur réticence de principe, nous lui avons fait la part belle. Dit René Kawam à propos de l'érotisme contenu dans la poésie arabe. Ils entendent parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare. Jacques Bonafé lisait divers poètes arabes dans la compagnie des auteurs au terme d'une dernière émission consacrée à Howard Phillips Lovecraft. Un grand merci à mes deux invités d'aujourd'hui, Christophe Thiel. Vous avez dirigé le volume HPL 2007, 22 nouvelles fantastiques en hommage à Lovecraft. Ce livre est publié aux éditions Malpertuis. Merci Florent Montaclair, professeur à l'Université de Franche-Comté. Vous pouvez tous réécouter cette émission en podcast ou directement sur le site internet de France Culture. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et Facebook. Cette émission était réalisée par David Jacubovies à la console. Il y avait Anthony Thomasson.